I'm in the bag with a big boy. When I'm on the bus, they can't let round my boo this bus. So I'm about to try to come up to the door. French, but I'm a bitch. Man, gorgeous, but come on, tip. J'suis un Didi, j'suis un homme d'affaires comme PDD. Chaque taf il mérite son dudu et le bébé il dort pas sur son doudou. J'suis dans la zone avec les uns, on fait chauffer, on croit qu'on passe crème. Cache les lunettes en plein été, le T-Maxi, les doigts sur la passerelle. J'suis la patte gauche comme Ben Arfa, le rein. J'ai plus le temps de m'énerver. Tu veux sucer l'autre à leur vague, j'ai pas fiable comme le frein du SRV. Volant de ma vie, j'ai levé le SP. J'ai donné mon cœur et en retour y'a même pas de respect. Suffit pas d'être premier, faut le rester. Spot my zoo, start dreaming. Craziest feeling. How money and treason. Ask me how I've been feeling. Now argue no reason. Baby girl, but just hope you're down. Festival season. Told her jump on my wave. Don't drown. I'm outside with the shooters trying to have a blast. Sun's out, so we've rust his bud. I'm in Dubai with the big boys trying to get a glance. And the money for my music buzz. Me and Jewel on the track right now. Back then on my phone on the morning bus. Really can't lap round with all this buzz. So I ride round tight like a monster does. Yo. French, il a jamais vu tch, mais bro, tu sais pas comment tire. Et s'il faut, je ramène la katana. Samurai Jack, quand ton maillot déchire. On wanna fly to whenever land is. That plane back to you, wanna follow my dear. I remember when I got my first paycheck from music. People really shed tears. C'est fait carnage dans le secteur, et ça part en cavale au pays. Pendant qu'il y en a qui dégustent la belle vie, direction bon pays. J'ai perdu 17 kilos, j'crois que tout le monde il me dit ça maigrit. J'te sens en forme, moins parano et moins écrit. J'l'ai mangé le rodage. 1000 km en 6 jours. T'as vu, tu joues avec mes couilles. Je vais te choquer, moi, si je joue. J'suis pas le voyou dans le SVR. Tu vas finir RSV. J'sais que t'as parlé sur mon CR. Un skate, ça reste un skate. Spot my zoo, start dreaming. Craziest feeling. How money and treason. Ask me how I've been feeling. Now argue no reason. Baby girl, but just hope you're down. Festival season. Told her jump on my wave. Don't spot my zoo, start dreaming. Craziest feeling, how money and treason. Ask me how I've been feeling. Now argue no reason. Baby girl, but just hope you're down. Festival season. Told her jump on my wave, don't drown. Kiss.